Toujours à la même occasion, les rassemblements, séminaires, conférences, séances de lecture et expositions de photos et de livres ont eu lieu en Finlande, au Danemark et en Islande. Dans les salles de cérémonie étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y étaient exhibées les photos qui montrent la noble vie révolutionnaire et les exploits des grands leaders, et les photos des activités révolutionnaires des dirigeants suprêmes Kim Jong-un. Par ailleurs, y étaient présentés les livres et photos des militaires et civils coréens qui créent l'ère de la grande prospérité de la Corée du Jutsu avec l'esprit de se renforcer soi-même. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes. Les participants ont déposé les bouquets de fleurs devant les portraits en sourire du président et du général avant de leur rendre hommage. Les orateurs y ont exalté que Son Excellence M. Kim Jong-il est un grand homme politique qui a contribué à la révolution coréenne et à l'accomplissement de l'œuvre d'émancipation du monde. Et ils ont souligné qu'il est un éminent leader qui a consacré tout pour le développement du Parti du Travail de Corée et la progression victorieuse de l'œuvre socialiste. Aux cérémonies tenues en Finlande et en Islande, on a adopté les messages de félicitations à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.